souviens de cette phase B. Starsky et Hutch encore roulaient. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages et plus d'images, rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles, et si on pouvait danser comme la première fois sur tous ces sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec l'enclos. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. Salut à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo. Merci d'être à l'écoute. Vous êtes sur le 107 FM. Vous nous suivez sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, bonjour le Maroc, bonjour la Belgique. Nous sommes le jeudi 3 mai. Vous êtes avec Gilou. Je vous accompagne en musique et en direct dans les années bonheur. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Salut à tous. C'est Pierre Charby sur Radio Gemozo. Sur 107 FM. Comme vous venez de l'entendre, je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour cette émission. Je retrouve dans quelques instants mon ami artiste Pierre Charby pour vous présenter le volume 3, Hommage au crooner. Vu les commentaires que j'ai vus, vous êtes impatients de découvrir ce nouveau volume. Pardon. Alors souvenez-vous... Avant de rejoindre Pierre, je fais un petit coucou au fan club des années bonheur avec l'équipe Gilles Mougel officiel, Lynn, et moi-même et tous les amis qui ont connu. Nous dédions cette émission à notre amie Christiane qui est partie rejoindre les étoiles. Notre Cricri, fidèle auditrice, une personne adorable. Toujours un petit mot gentil pour tous. Merci pour tes sourires, Christiane, et repose en paix. Nos sincères condoléances à toute la famille. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur la page Facebook de notre radio et sur notre page officielle. Je transmettrai en direct. Je retrouve maintenant Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Gilou et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo. N'oublions pas les auditrices Pierre parce qu'elles sont nombreuses. Surtout pas les auditrices. Bah non, avec... une belle chanson, comme on vient d'entendre, une de tes chansons, hein, si tu entends ma mélodie, alors je voulais un petit peu changer. J'espère qu'elles l'auront entendu, ma mélodie. Hein. Ah ben oui, écoute, hein, depuis le temps. Non mais moi j'aime beaucoup cette chanson, après You, hein, bien sûr, alors oui. Tu vois, j'ai voulu un petit peu changer, voilà. Hein. Ouais. Alors je te remercie Pierre d'être présent sur nos ondes pour ce troisième opus. Mais de rien, ça me fait toujours plaisir et j'espère qu'il y aura un quatrième et un cinquième opus et un sixième volume, etc. Il y a tellement à dire sur les crooners. Mais c'est vrai. Et tous ceux que l'on va découvrir et puis que l'on va réentendre, ils ont tellement de belles chansons. C'est vrai qu'on peut faire pas mal de volume, mais peut-être une intégrale. Ouais. Alors, pour tout te dire, j'ai complètement zappé le fait de mettre ça sur ma page Facebook. Ouais. J'étais assez pris là ces derniers jours. Oui. Et bon, bah, tant pis, bah, j'espère que il y aura quand même quelques amis. Quelques petits messages, ouais. On va surveiller ça sur nos smartphones. C'est dommage parce que, bon, je pense que chaque fois qu'on a fait cette émission, il y a eu pas mal de gens qui étaient à l'écoute. Bien sûr. Et là, j'espère que toi, de ton côté, tu l'as annoncé sur ta page Facebook. Ah, bien sûr, elle a été mise depuis mardi. Dans la soirée, j'ai mis la publication sur la page, enfin ma page officielle est sur la page de la radio, bien sûr. D'accord, bon, tu vois. Ouais. Alors, je vais essayer quand même de pendant qu'on se parle, de trouver ta page Facebook. La page Facebook, tu regardes sur page officielle, hein? Ouais. Oui, alors je sais pas, j'ai Gilles Mougel Pro. Non, laisse tomber ça. Bon, alors c'est Gilles Mougel officiel. Alors Gilles Mougel officiel. Ouais, tu vois un peu. Non, j'ai pas de Gilles. Bon, on va mettre. Pourtant, je t'avais envoyé une invitation quand même à aimer cette page. Mais je pense que t'as tellement de sollicitations. J'ai dû. Alors attends, on va bien la trouver cette page. Ah mais bien sûr, écoute. Non, je l'ai pas. Voilà, donc, non, mais c'est. Sur mon ordinateur, en tout cas, je ne l'ai pas. Si. Oh là, qu'est-ce que je suis nul. Mais non, tu sais, bah, des fois, Facebook, hein, ça nous joue des tours. Bon, alors, où est-ce que tu as annoncé ça, que je puisse le partager Bien sûr, bah, tu vas sur, si tu es sur Gilles Mougel officiel, ta page, ouais. Sur la page, et puis tu déroules, tu verras. Voilà, bon, on a mis un petit brin de muguet parce que quand j'ai mis la publication, c'est vrai qu'on était le 1er mai. Ouais. Et tu vois, nous, comme je dis toujours, les artistes, pour moi, c'est humble. On travaille les jours fériés. J'ai partagé. Ouais. J'ai ajouté quand même un petit mot. Oui. Que je suis. On va faire ça. En direct sur Radio Gamozo. Alors, tu sais qu'il y a plus de, quand même, j'ai regardé, il y a plus de 200 personnes qui ont vu la publication. Hein. Ah bon, ben ça va. Alors. Quand même, hein, ça va, c'est bien. Voilà, bon, écoute. Et puis bon, c'est le, oui. S'ils écoutent, ils écoutent. S'ils n'écoutent pas, tant pis pour eux. Voilà, puis de toute façon, il y aura le podcast. Hein, je ne l'ai pas dit dans mon intro, mais bon, ils ont l'habitude. Il y aura le podcast dès ce soir sur la page de la radio, bien sûr, et puis sur le Facebook. Hein. Ok, bon, voilà, j'ai mis Gamozo en un seul mot, mais c'est pas grave. Oui. Si tu cliques sur Radio Gamozo, hein, sur le lien. Voilà. Alors, voilà. On va pas s'attarder là-dessus parce que le temps passe. Oui, ça passe vite. Et on aimerait bien écouter quelques crooners. Voilà, alors si tu veux, j'ai commencé avec une artiste. Hein. Je sais pas si on dit crooneuse. On va dire crooneuse que tu aimes bien, que j'aime bien aussi, qui est ton amie, Marie-Myriam. Ah, bien sûr. Ah, j'adore ça, j'adore Marie-Myriam. Alors, si tu veux, Pierrot, on s'écoute Sentimental. Les yeux velours toujours. c'est tellement fou entre nous. Quand tu souris, j'ai tout compris. C'est encore plus doux. Sentimental. Moi je suis comme ça. C'est l'idéal. J'entends tout bas cette mélodie qui parle un peu pour toi. C'est bien plus joli quand je suis Voilà, Marie-Myriam, Sentimentale. Oh, quelle belle chanson. Ah oui. Je rêve de faire un jour un duo avec elle. Je lui en ai parlé plusieurs fois, d'ailleurs. Oui. Il y a très longtemps. Bon, ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, mais ni elle ni moi n'avons dit notre dernier mot, je pense. Eh bien, écoute, j'espère on aussi. On ne sait jamais. J'espère voilà. Aussi. Alors, je... Oui. Excuse-moi Pierre, j'ai oublié de saluer Marc. Bonjour Marc, qui est à la technique, qui est avec nous après-midi. Salut. Bonjour Marc. Monsieur. Voilà. Et puis on a déjà des petits bisous de... Ben, j'ai des... Dany qui est à l'écoute. Dany Blondeau, tu vois. Ah ben... Voilà, hein, tu vois, on n'est pas tout seul. Oui, je lui fais un gros bisou à Dany. D'accord. Elle était parmi les auditrices la dernière fois. Enfin, oui. Je la remercie d'y être encore. Elle voilà. Est toujours fidèle, Dany. Ben oui, c'est heureusement qu'on a des amis fidèles ah oui. Sur Facebook et ailleurs, hein, bien ouais. Sûr. Puis tout à l'heure, on écoutera Lucky Blondeau, hein. Ah. Ben alors oui. Tout à l'heure, alors on lui demandera comme ça juste pour la petite note d'humour si c'est parent avec elle. Ah ben pourquoi. Il y a peu de chance parce que je pense que Lucky Blondeau, c'est un pseudonyme. Oui, je pense elle, aussi, oui. Elle, c'est son vrai nom, je suppose, quand même. Ouais, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Alors après, on retrouve un de nos crooners, bon, bien sûr qu'on avait déjà écouté, mais avec une autre chanson. Donc, Dean Martin, ah, oui. Avec ce titre « Everybody loves somebody ». Voilà. J'adore ton accent. Anglais. Merci Pierre. tu te moques là, tu taquines. Mais pas du tout. Je rigole, mais je ne me moque pas. Non, d'accord, c'est bien, c'est gentil. Allez, bon. On écoute et on en reparle après. Ok. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something your kiss just told me. My sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I've found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. Everybody loves somebody sometime. Dean Martin. Quelle voix, hein. Ah, quelle voix, oui, oui. Formidable, et c'est un crooner que j'écoutais, enfin je veux dire, bien sûr j'étais surtout branché Elvis, tu sais, au départ, hein, dans les années 70, tout ça, 60 aussi, mais c'est un des autres aussi crooners que j'écoutais, que j'ai découvert en fait plus à cette époque. J'ai toujours rêvé d'avoir une voix un peu à la Dean Martin. J'avais un cousin qui malheureusement n'est plus là. Oui. Qui était non seulement super beau gosse, mais qui chantait du Dean Martin comme personne. Et je l'enviais toujours. Alors c'est marrant parce que moi je l'enviais parce qu'il avait une voix grave à la Dean Martin. Et lui, il enviait ma voix. Il dit, ah, là, dommage que moi j'ai pas tes aigus. Ouais. Là, on n'a jamais ce qu'on veut, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, je me plains pas. Ah bah non, la nature vous a, comment qu'on dit, donné, voilà. Elle m'a gâté quand même. Hein, bien sûr, tu parle de ma voix, hein. Le reste, je sais pas, mais ouais, ouais. C'est quand même pas trop mal. En fait. Ah bah bien sûr, de toute façon, on va écouter tout à l'heure. Oui, alors enfin. Qu'est-ce qui va succéder maintenant à Dean Martin? Alors qu'est-ce qui va succéder à Dean Martin? Alors, tiens, allez, je te pose une colle, Pierre. Dis-moi voir un nom, on va voir, comme ça, juste. Ah ben, je sais pas. Tu penses à qui, là? Ben, je pense à plein de gens. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Donne-moi un petit indice, quand même, avant. Un petit indice. Alors, c'est un chanteur qui est, en fait, qui était pas de nature, enfin, de nationalité anglaise, au départ, je crois, mais après, qui a chanté en Angleterre, je ne sais pas. Alors, si ça peut t'aider. Alors, Tom Jones ou Engelbert Humperdinck? Voilà, Engelbert Humperdinck. Ah, voilà. Voilà. Alors, avec ce titre... Alors, tu sais, quand je prononce mon anglais avec les titres courts... Non, mais dis-le en français, la dernière valse. Ça je savais, mais quand c'est les titres courts, ça va, je peux prononcer. Mais quand les titres sont un peu plus longs, j'ai un petit peu plus de mal. Mais en fait, je suis gâté parce que j'ai quand même avec moi un prof d'anglais. Oui, je dis pas de bêtises, hein, tu as été, Pierre, avant de... Personne n'est parfait. Hein. Non, mais quand même. Oui. Puis d'un autre côté, ben, j'ai aussi une autre prof d'anglais qui est du Québec. Ah. Mon amie Lynn, voilà. pour souligner, qui me de temps en temps... Pardon ? Elle est avec toi en ce moment ? Ah non, elle est au Québec, Lynn. Mais elle s'occupe de notre page, enfin la page officielle, Gilles Mougel, tu vois ? D'accord, oui. Alors des fois, elle me recadre un petit peu aussi, donc tu vois, c'est pour ça que j'ai deux profs, donc voilà. Alors, revenons à Engelbert. Oui. On écoute, comme tu disais, la dernière valse, et en anglais, c'est The Last Waltz. Voilà. Ah, oh, je suis bon. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Going strong through the good and bad, we get along. then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you. Engelbert Humperdinck. Ah oui, on ne peut qu'être sous le charme. Hein, ah oui, tout à fait. Ouais. Et sont des chanteurs en plus, je trouve qu'ils ont plutôt bien vieilli. Oui, moi, c'est vrai. Engelbert Humperdinck, je l'ai vu sur scène il n'y a pas très très longtemps. Il a toujours cette voix formidable. Et voilà, quoi, c'est toujours un enchantement. D'entendre des vieux chanteurs, des vieux entre guillemets. Oui, bien sûr, mais avec des superbes voix, puis des formidables ballades, hein, je veux dire. Ah oui, il pourrait se présenter à The Voice. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Il ferait péter le standard, comme on dit. Alors, je voudrais signaler à nos auditeurs, nos auditrices, et ceux qui nous écoutent éventuellement, moi j'ai un petit problème avec Facebook. Ah. Bon, sur, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mon smartphone à côté. Bon, si vous voulez nous envoyer des petits messages, envoyez sur Messenger, enfin en ce qui me concerne, parce que là, j'ai un problème sur Facebook, je ne sais pas ce qui se passe. Ils peuvent d'ailleurs envoyer des messages sur mon mur. Bien sûr, aussi, oui. Facebook, je l'ai en face de moi tout en te parlant et en écoutant les chansons. Oui. Et celles et ceux qui nous écoutent. Bon, pour l'instant, il y a Solange Martine-Burer qui est présente, Nadine Duvillard, oui. Et mon amie Maria Boulard, Anela pour les intimes. Voilà, bisous déjà. Bon, les autres ne se sont pas manifestés, mais peut-être qu'elles écoutent ou qu'ils écoutent. Bien sûr. Voilà. Et vous pouvez quand même envoyer un petit message sur ma page Facebook. Voilà. Évidemment, à l'écoute. Voilà, c'est bien, comme ça on pourra transmettre. On continue avec... Oui, alors j'ai Dani qui se moque de moi par rapport à l'anglais, elle me dit « mets un chewing-gum dans la bouche, ça ira mieux ». Bon, alors, là maintenant, je voulais... On va écouter une chanson. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, enfin c'est une chanson que je connais, « Unchained Melody ». Et puis là, je l'ai entendu par Bing Crosby. Ah oui. Tu sais, par Bing Crosby, qui est une belle voix. Dans les années 40 ou 50, mais plutôt dans les années... Bon, je ne sais pas, en fait. Ouais, c'est quand... Oui, c'est... Je vais la découvrir, parce que... Bien sûr. Je ne sais pas si je l'ai déjà entendu par Bing Crosby. Par Bing Crosby. Avait une voix plutôt grave. Oui, alors, oui. C'est intéressant. Voilà, donc si tu veux, Pierre, on va écouter un petit bout. Hein, ouais, et ouais, puis ouais. Après, bien sûr, on va en parler, parce que je pense que après, là, y aura une surprise. Ah bon, bah écoute, j'adore les surprises, surtout quand elles sont bonnes. Hein. D'accord, c'est une bonne surprise. Alors, on écoute Bing Crosby. Okay. Et puis voilà, on reparle après. On écoute. your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Voilà, Pierre. Ah, ben c'est pas mal. C'est pas mal. Un extrait donc de One Channel Melody de Bing Crosby. Ouais. Donc voilà. Moi j'attendais la surprise, là. Il n'y a pas de surprise de lancer. Bah si, alors après la surprise, moi je crois savoir. Ah ben alors vas-y. Je crois savoir, Pierre, que tu as enregistré cette chanson. Oui, ah d'accord. Voilà, hein, c'est ça que je voulais parler. Ah. Oui, c'est une chanson qui est sur mon prochain album. Ton prochain album, voilà. Tu m'as demandé si je voulais bien que tu la diffuses aujourd'hui. Bon, exactement. J'étais pas trop pour au départ, mais tu as tellement insisté. Puis, écoute, mon ami Charlie Baran, qui est à l'écoute. Oui. On le salue. Et que j'ai, oui, ben, bien sûr, que j'embrasse très fort. Son épouse Marion est fan de cette chanson. Et plus particulièrement de ma version de cette chanson. Alors, bien sûr. Je te fais un énorme bisou comme d'habitude. J'espère qu'elle a un paquet de mouchoirs à côté d'elle. Parce que, voilà, Charlie Baran vient de me dire le bonjour à Gilles, tu vois. Ah ben c'est gentil, ben je lui transmets le bonjour, bien sûr. Il a dû entendre ton bonjour, bien évidemment. Oui. Donc, moi, je les embrasse très fort, sont mes meilleurs amis. Ils le savent, je ne vais pas en faire des tonnes. Parce que je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes avec eux. Voilà. Gros bisous, mes chéris. Je vous aime. Je vous adore. Et puis voilà. Alors, on écoute ce... Alors, on écoute ce... cette chanson de Pierre Charby, donc. Qui a osé s'attaquer à un monument pareil. Bon. Non, mais bon, on va laisser découvrir à nos auditeurs, nos auditrices. Ouais. Et puis, bien sûr, tu nous en rediras un petit mot après, Pierre. D'accord. Voilà, on écoute. Voilà, donc Pierre Charby, Une chaîne mélodie. Voilà un beau titre, Pierre, donc qui est sur ton futur album, hein, bien sûr. Ah, j'ai perdu Pierre, alors... Alors, je ne sais pas, mais on a un petit problème. Je crois qu'on est perdu. Je crois que... Alors, j'ai eu un appel, là. Donc, on va ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une chanson, et puis je rappelle Pierre dans l'instant. On va écouter donc la suivante, Elvis Presley, It's Now or Never. With your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now. Elvis, it's now or never. On retrouve Pierre. Oui. Je m'étais perdu en chemin, là. Tu t'étais perdu en chemin. Comme on dit, c'est les aléas du direct. Hein. C'est pas grave. Alors, donc, on avait écouté ta chanson, Pierre, Une chaîne de mélodie. Ouais. Voilà, donc, qui apparaît sur ton futur album. Ben oui. Hein, on en était resté là. Une belle chanson. Et bien sûr, on a hâte de découvrir cet album, Pierre. Bah, écoute, moi aussi. Parce que te connaissant, je sais qu'il y a de belles choses dedans. Ben oui, il y a 15 titres avec deux medleys magnifiques qui font 10 minutes 50 chacun. Enfin, c'est. Je pense qu'on a fait du bon boulot, en tout cas, oui. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais réalisé un rêve voilà. Qui date de mes 17 ou 18 ans, vous voyez. Bien sûr, pas d'aujourd'hui. Tu te seras fait plaisir, mais de toute façon, il n'y a aucun problème, je suis sûr que ouais. Il y aura du succès sur cet album, et puis comme les autres, bien sûr. Voilà, quand j'avais 17-18 ans, je rêvais vraiment de faire un album avec toutes ces belles chansons. Bien sûr. De Paul Anka, de Fats Domino, d'Elvis, Ancient Melody. Il y a aussi Summertime de Gershwin. Enfin, ouais. On a fait des trucs pas mal, quoi. Alors, sur Elvis, par exemple, non, je ne veux pas insister parce que... tu peux pas nous dire le titre ? Non, tu peux pas. je ne sais pas, tu m'as pas dit ce que c'était. Non, mais je veux dire, sur les chansons, dans ton futur album, tu as repris des chansons de Elvis, une ou deux. Non, oui, d'Elvis, il y a Love Me Tender, mais Love Me Tender à ma sauce, à moi. D'accord. Pour tout te dire... non, mais ne dévoile pas, Pierre, je veux pas. Je vais peut-être choquer les fans d'Elvis. Oui. Love Me Tender, c'est peut-être la chanson d'Elvis que j'aime le moins. Je parle des arrangements, je trouve pas ça terrible. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que on dirait que ça manque un petit peu de... Oui. C'est ça, de peut-être d'instruments, je sais pas, dans l'orchestration, dans le... Voilà. Moi, ce que j'ai fait, je pense, je dis pas que c'est mieux, que ce soit mieux, mais c'est différent. Moi, là aussi, je vais choquer beaucoup de personnes, mais je préfère ma version à la sienne. D'accord, écoute, de toute façon, on aura le... Je rougis de honte. Oh, mais non. tu t'es fait plaisir avec cet album. Et puis, je rebondis là-dessus, parce que on parlait d'Elvis. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un rêve de gosse, d'ado, de faire cet album-là. Puis je vais juste parler tout vite de Frank Michael. Frank Michael, en 2000, 2001, 2002, il a sorti un album avec des reprises de Elvis Presley. Ouais. Et c'est pareil, il voulait se faire plaisir, parce que Frank Michael est un fan d'Elvis. Et oui, il voulait se faire plaisir aussi. Alors il a un petit peu dérouté tous ses fans, bien sûr, parce que Frank Michael, c'est le chanteur romantique, c'est le chanteur de charme aussi. Et oui, c'est vrai que cet album-là avait moins marché. Mais j'avais lu sur un article, il avait dit je me suis fait plaisir, je voulais chanter des chansons d'Elvis. Et puis c'est très bien, c'est vrai. Oui, bon. Ouais. Alors, si tu veux, Pierre, on passe à la suivante. Alors là, on revient avec les dames. Oui. Françoise Hardy. Françoise Hardy. La crooneuse par excellence. Oui. C'est vrai que ça fait... Sa voix depuis toujours. Ouais. J'ai eu la chance de la rencontrer, j'étais tout jeune évidemment, c'était en 1962, tu penses. Ouais. Je me suis retrouvé au Golf Drouot. Ah oui, le Golf Drouot. Des copains qui m'avaient dit, tiens, tu devrais aller chanter au Golf Drouot, te présenter. Et j'étais arrivé avec ma petite guitare. Et curieusement, j'ai retrouvé il y a quelques jours à peine, dans mes innombrables pressbook, un article, justement, l'article qui m'est consacré. Alors, il y a une petite photo de moi à la guitare, avec ma guitare. Ouais. Et un petit article très sympa sur cette petite prestation que j'avais faite au Golf Drouot en septembre 62. Tu vois, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. D'accord, effectivement, oui. Il y avait Françoise Hardy, que je découvrais d'ailleurs, et je suis tombé amoureux de cette fille, de cette voix. Elle était belle comme tout. Oui. Et voilà, c'est comme ça. Bon, on va passer à Elvis. Oui, alors, ce que je te propose, tu sais, Pierre, pour le prochain volume, le volume 4, il faudrait que peut-être que tu m'envoies une ou deux photos comme ça, c'est bien sûr, si tu veux. Oui. Tu vois, une ou deux photos comme ça qu'on pourrait mettre sur la publication. Je pense que nos amis facebookiens et autres aimeront. C'est vrai, peut-être de te voir sur des anciennes photos, ça pourrait être sympa. oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, on en reparlera ensemble. Alors, on va écouter... Oui. Ça me rajeunira un peu, et même beaucoup d'ailleurs. Oh là, faut pas dire ça. Écoute, il y a Dani Blondeau qui est toujours présente, Dani. Oui. Elle avait peur. Elle m'a dit surtout ne le perds pas, on l'adore. Écoute, je te dis textus que j'ai sur mon smartphone, voilà, tu vois. Tu, elle parle de qui, d'Elvis ? Non, de toi. Ah non. Bon, Dani, je te refais un gros bisou. Je vais surtout embrasser une grande amie, très lointaine, parce qu'elle est en Algérie, je sais qu'elle est à l'écoute. C'est mon amie Naïma Brahimi. Je te fais un gros bisou, ma grande amie, et je vois que tu es toujours présente. J'embrasse également mon ami Jacques Seguin, Lydie Didi, Nadine Dubillard, je l'ai embrassé déjà, et mon ami d'enfance Richard Saïd, qui est très lointain lui aussi, qui est en Israël. Ah oui, d'accord. Voilà, alors Lynn Massé, que je ne connais pas, qui est au Québec, ben, je lui fais un gros bisou, parce que actuellement là-bas, il est quoi? Il est presque 11h moins le quart du matin, je crois. C'est ça, oui, il y a 6 heures de décalage, voilà. Oui. Donc je lui fais un gros bisou aussi, il y a Willy Fer, voilà, qu'est-ce que je fais? Il y a Martine Massin, qui est Joël Fondement, mon ami Joël. Tu sais, Pierrot, on va voir l'élève Jersey à force de faire des bisous à tout le monde. Ça fait rien. C'est pas grave, non, c'est toujours du bonheur, hein, c'est vrai. C'est pour façon en plus de les remercier d'être présents, de leur dire que je les aime, et puis voilà. Il y a Christiane Bosso qui m'a laissé un message, mais je ne sais pas si elle a compris que j'étais en direct. Que tu étais en ligne, oui, bien sûr, oui. Et voilà. C'est dommage, moi, mon Facebook bug toujours, j'ai que sur Messenger, autrement, c'est dommage. Une autre amie aussi que j'embrasse, c'est René Funise et son mari Michel qui sont à l'écoute, voilà. J'espère que je n'ai oublié personne. Je surveille sur ma page Facebook ceux et celles qui ont la gentillesse d'y mettre un petit mot. D'accord, Pierre. Voilà. Alors on écoute. Oui. Il s'impatiente là dans les coulisses. Alors on écoute Mon ami la rose de Françoise Hardy. Ah oui, non, qu'est-ce que je parle d'Elvis. Non, tu. Oui, c'est de jeune. Oh là là. Ah, c'est moche de vieillir. Hein. Non. C'est pas grave. Mon ami la rose, ou plus exactement mon ami Françoise Hardy. Voilà, tout à fait. On écoute. Ouais. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. Voilà Pierre, Françoise Hardy avec ce titre Mon ami la rose. Et oui, alors ça me permet de rebondir sur quelque chose d'un peu triste et même voilà. Très triste. Oui, parce que j'ai une amie, une grande amie, que je connaissais depuis très très très longtemps, qui nous a quittés lundi de cette semaine, il y a 3 jours. Oui. C'est Rose Laurence et je voudrais qu'on lui rende un bel hommage. Un hommage, oui. Déjà avec cette chanson de Françoise Hardy, on dirait qu'elle a été faite pour cette occasion. Oui, c'est vrai, oui. Triste occasion. Oui. Et voilà, je ne pense pas qu'elle ait encore ses parents que j'ai connus également, bien évidemment, mais je leur transmets toutes mes condoléances et toutes les condoléances de tous ceux qui se sont manifestés sur Facebook, en tout cas, à l'annonce de son décès. Oui. Voilà. Donc on va pas plomber l'ambiance plus que ça. Je te laisse diffuser la chanson qu'on a prévue. On a prévu ensemble donc d'écouter cette chanson de Rose Laurence. Voilà. On va pas écouter Africa parce que non, oui. C'est un petit peu trop entraînant pour ce genre d'hommage. On va en écouter une autre. Et je pense que tout le monde la connaît également. Voilà, oui, c'est... Je te laisse l'annoncer. Oui, voilà, donc, on écoute donc de Rose Laurence ce titre « Vivre ». Eh oui. Voilà, Rose Laurence, alors, vivre. Alors ça, si c'est pas une grande voix. Ah oui, monsieur. Ah, mais moi, j'ai toujours considéré, je lui ai toujours dit d'ailleurs, pour moi, c'est une des plus belles voix de la chanson française. Et là, cette voix qui s'est éteinte, malheureusement, heureusement qu'il nous reste ses disques, des vidéos, enfin. Voilà. Bien sûr, oui, c'est vrai que. Et puis jeune quand même, hein. Oui, 65 ans. 65 ans, hein, c'est voilà. De nos jours, c'est très très jeune. Bien sûr, oui, puisque Voilà, Rose, elle sait, si elle nous entend de là où elle est, je pense que ce modeste hommage de notre part lui fera plaisir. Et voilà, on ne l'oubliera jamais, parce qu'on n'oublie pas ce genre de voix. Bien sûr, ouais, tout à fait. Alors, Pierre, je voulais te passer le bonjour de Lynn Massé. De Lynn Massé, oui. Voilà. Je lui renvoie mon bonjour. Avec un gros bec. Un gros bec, voilà. Donc elle me dit, belle émission, bisous de ma belle province, bisous à vous deux. Voilà, de la part de Lynn. Ben, super, tiens, j'en profite pour saluer un de mes amis que j'ai rencontré il y a un peu plus d'un an en Normandie. Il était venu de Seine-et-Marne, si j'ai bonne mémoire, pour venir m'applaudir dans un beau concert. C'est Love is Blue. Voilà, je lui fais un petit coucou. Comme à tous ceux qui écoutent, hein, évidemment. D'accord, c'est très bien. Alors, on en est où, là, maintenant ? Alors, Pierre, maintenant, on va prendre le bateau. Ah bon ? Ah oui, alors, je pense que tu devines un petit peu pourquoi je te dis ça. Non. Mais... Non, on va parler du France. Ah oui, hein, voilà. Le France, voilà. Quel bateau, mais surtout, quel interprète. Voilà, je te laissais... Mais je ne parle pas de Michel Sardou, là, hein, en disant quel interprète. J'aurais pu, parce que oui. Ça a été quand même... C'était une belle carrière, oui. Mais il a bien fait de s'arrêter de chanter, parce que la relève est assurée. La relève est assurée, d'ailleurs, depuis très, très longtemps, oui. Par quelqu'un qui est devenu mon meilleur ami, vraiment mon frère de cœur, c'est Charlie Baran. Voilà. On était encore hier soir ensemble, on ne se quitte pas, c'est quelqu'un, lui et sa femme se sont, je sais plus, je trouve pas les mots finalement qui pourraient les définir tellement, il faudrait que j'invente un mot pour eux, personnellement. Ah oui, d'accord, ils doivent être adorables, hein, de ce que je vois sur, des fois quand tu mets quelques petites choses sur Facebook, hein. Voilà. Voilà. Charlie m'a dit sur Facebook que la boîte de Kleenex était passée complètement pour Marion. Et lorsqu'elle a entendu mon interprétation de D'accord. Elle me dit, et Charlie, je voulais le mettre à l'honneur parce qu'il le mérite vraiment. Et je voudrais tellement que tout le monde le connaisse. Oui. Sur scène, c'est fabuleux. Il fait un tour de chant, Michel Sardou, époustouflant. Et là... J'ai eu du mal à choisir une chanson parce que tout est bien. Avec sa voix, j'ai hâte d'écouter, j'ai hâte qu'il enregistre certaines nouvelles chansons. Nouvelles, oui. Qu'il interprète déjà en concert d'une façon magistrale, à savoir Le Figurant et San Lorenzo. Oui, bien sûr. Beaucoup d'autres. Pour l'instant, il se contente de ces deux-là, ou peut-être d'une troisième, je ne sais plus. Il me le dira en privé. Oui. Là, j'ai choisi Le France. Le France. J'adore cette chanson. Oui. Et j'adore quand Charlie la chante. Quoi. Bien sûr. Et puis donc, on retrouvera aussi Charlie en fin d'émission. Hein, on en parlera plus tard pour se dire au revoir. Voilà. Voilà, on n'en est pas là. Il est 17h56. Nous avons encore quelques temps. Oui. Voilà. Hein. On va essayer de parler un peu moins. On est bavards tous les deux. Alors, on écoute Pierre, donc, Le France, par ton ami Charlie Baran. Voilà. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'envie les épaves englouties, long courrier qui cherchaient un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser mille ans. J'étais un géant, j'étais presque, presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des cormorants. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière. Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand navire de guerre ait le courage de me le cul tourné à Saint-Nazaire, pays breton où je suis né. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Voilà, vous êtes toujours sur le 107 FM Radio Guémozo dans l'émission Les Années Bonheur, donc avec mon ami Pierre Charby, avec cet hommage au crooner. Voilà, et, Pierre. Et surtout avec cette belle chanson. Avec la belle chanson. Charby Baran. Ouais. Hein? Alors, je voudrais dire que Marc est content. Je sais pas si... Non, non, que ce soit Charly Baran qui chante, parce que Michel Sardou, c'est pas trop sa tasse de thé. Non, non, mais c'est la petite note d'humour, je le vois sourire derrière sa moustache. Oui, non, mais Charlie nous a fait redécouvrir, à oui. Quelques mois, il nous a fait redécouvrir les chansons de Sardou, que j'ai toujours bien aimées, mais bon, j'étais pas particulièrement fan. Très, très fan. Ouais. Mmh. J'admets qu'il a un grand, grand talent, c'est une grande voix, mais Charlie... Il a sa propre personnalité. Il chante les chansons de Sardou à sa façon, différemment de tous les autres sosies vocaux, oui. Mmh. De Sardou. Voilà, ça n'enlève rien au talent ni de Sardou ni des autres sosies. Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai une très, très, très grande préférence pour l'interprétation de Charlie. Bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose à la voix, hein, dans sa tessiture de voix. Hein, oui. Ah, c'est... C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux, c'est vrai, ouais, ouais. Voilà. Voilà, donc alors nous allons passer à la chanson suivante. Ouais. Alors, on l'avait cité tout à l'heure. Hein. Donc, Tom Jones. Ah. Avec ce titre, Delilah. Delilah. Ah, pardon, Delilah. Dalila, quoi. Dalila, allez. C'est parti. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. deceived me. I watched and went out of my mind. The street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Tom Jones. Une voix aussi. Hein, encore là. Une voix, là, oui, oui. Écoute, dans cette émission, on n'accepte que les belles voix. Quoi. Exactement. comme les animateurs, hein, pareil. Et puis, tu vois, là, je dis, je peux pas la diminuer, cette chanson-là. Je peux pas. C'est pas possible. Oui, non, hein, non. C'est vrai que bien c'est... Bien sûr. Hein, on peut pas, là, on écoute ça, c'est formidable. Alors... Oui. Je voulais te dire, tu as dû connaître Anne-Marie Pesson, qui était animatrice. Pas bien évidemment, j'ai sur RTL. Avec Anne-Marie Pesson. Voilà. Alors, moi j'écoutais RTL, je me souviens, et Anne-Marie Pesson, elle passait assez souvent cette chanson, parce qu'elle adorait Tom Jones. Ah oui. Ben ah ouais, j'ai cette petite anecdote là que je me souviens là quand j'étais jeune, enfin voilà. Oui. J'écoutais et c'est vrai qu'elle passait souvent du Tom Jones, elle aimait bien. Oui, Anne-Marie ben Passon. Moi j'ai fait mes premières émissions de télé avec Guy Dux et Anne-Marie Pesson. Ouais, d'accord, ouais, oui. Sophie Darrel. Oui, Sophie Darrel. Voilà. Ouais. Ah, c'est bien ça. Alors maintenant on va retrouver Lucky Blondeau. Ah. Ben, alors, c'est un des grands crooners français, il ne faut pas l'oublier ça. Ah oui, bien sûr, ouais. Ben, oui. On l'avait déjà écouté dans une précédente émission avec Una Lacrimo sul viso, mais bien sûr en français, une larme sur ton visage. Oui. Et là, on va écouter Des roses rouges pour un ange blond. Eh oui. Ah, c'est beau ça. Ah, ouais. Allez, on l'écoute. On écoute. Je des roses rouges pour un ange blond que j'ai rendu triste sans raison. Donnez-moi les plus belles, je vous en prie, car ce les plus belles. Je vous en prie, car ce bouquet de roses peut changer ma vie. Pour moi, ces roses rouges sont mon seul espoir. Faites-les porter avant ce soir. Et si ces quelques fleurs me rendent son amour, je viendrai vous en prendre tous les jours. Je viendrai vous en prendre tous les jours. Voilà Lucky Blondeau, des roses rouges pour un ange blond. Ouais, je ne sais pas ce qu'il est devenu, s'il continue. Ah oui, c'est vrai que... Moi, je l'aurais bien vu sur une tournée H tendre. Hein. Il avait ah oui, bien sûr. Largement. Tout à fait. Bon, je ne sais pas. Voilà, j'ai quelques petits clics sur ma page Facebook. Oui. Avec Christian Brosseau, je l'ai dit, José Claude, Aurélie Bird, Marlène Bailey, Véronique Lemaire, tiens. Que ah, Véronique. Dit. On lui fait un bisou. Et Solange Martine de Rer, mais que j'ai déjà cité. Bon, André Debuff, c'est Chantal, c'est sa femme qui intervient toujours. Donc, je lui fais un gros bisou aussi. Et voilà. Voilà. Eh ben voilà, on est écoutés. Et puis, moi, ce que je proposais, moi, c'est d'envoyer toutes ces roses, ces belles roses à toutes nos auditrices qui sont à l'écoute, hein? Bien sûr. Formidable. Alors, je ne sais pas, toi, Pierrot, si tu as un ange blond, mais je crois que tu as un ange blond à tes côtés. Oui, enfin, elle est pas avec oui, côté. Oui, oui, non, mais je me comprends. Voilà, donc on lui fait... Elle est à mes côtés depuis bientôt 43 ans. Voilà, oui, oui, non, c'est pour ça que je disais. Ah, oui. Alors, moi, je n'ai pas d'ange blond. Par contre, j'ai des anges d'une autre couleur. Oui, de cheveux. Voilà, bon, c'est de la bonne humeur, hein. Oui. Voilà, alors, si tu veux... Oui, alors, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, avec la chanson de Lucky Blondeau, là, le fleuriste, il va faire des affaires, hein. Ah bah oui, oui. Hein, c'est... Après le muguet... Oui, je te dis pas, hein. Ouais, tout à fait. Alors maintenant, on va retrouver un jeune premier. Oui. Voilà, qui va nous... enfin, qui... On va écouter la chanson. Donc c'est toi, Pierre, avec Un voile de mariée qui est sur ton album Le cœur battant. Oui, et d'ailleurs c'est marrant parce que le titre exact, c'est un voile de mariée et un bouquet. Ah oui. Bon, on est encore dans les fleurs. Là. On est encore dans les fleurs. Alors c'est moi qui ai oublié le... Non, j'ai oublié peut-être... Et un bouquet, non. En fait, comme Un voile de mariée... existait déjà à la SACEM, on a été obligé d'ajouter ces trois mots et un bouquet. Oui. Mais c'est le vrai titre, c'est Un voile de mariée. Voilà. D'accord. Que j'avais composé avec mon ami Michel Danguin, que j'embrasse si toutefois il est à l'écoute, ce qui m'étonnerait parce qu'il est très pris. Et on avait composé ça pour une amie, une chanteuse, et elle nous l'a massacré. Et il m'a dit, écoute, pourquoi tu l'enregistrerais pas toi? Et puis, voilà. Hein. D'accord. C'est fait. Voilà, c'est fait. Donc, on écoute Un voile de mariée. De mariée et un bouquet. C'était avant l'été, tout le monde dansait. Caresse, bonheur, tendresse, plein de promesses. C'était un jour fait pour l'amour. Un voile de mariée sur un berceau. Maman va rentrer, bébé, dodo. Le soir est sacrifié, mon Dieu, télé. Ah, regarde. aussi fragile. Pendant que les bouquets se fanent et meurent, peu à peu on perd le goût du bonheur. Parfois on croit le retrouver ailleurs. S'aperçoit qu'il est trop tard. On accuse la chance ou le hasard. Moi, je prétends que ça dépend seulement de l'importance des sentiments. Et un bouquet. Voilà, un voile bon, de mariée. Oui, Pierre. Oui, ça me fait drôle de m'écouter parce que, bon, en plus, j'entends à travers le téléphone, c'est pas terrible, hein, le son. Oui, bien sûr. C'est... Bon, ça me permet quand même de faire un bisou à Catherine Levergneux et à Sylvie Arnaud-Sandy qui nous ont rejoints apparemment sur Facebook, en tout cas, Radio Gémozo, j'espère. Bien sûr. Voilà, j'ai fait un bisou aussi. Voilà, j'essaye de faire en sorte ben, de prouver que moi aussi, j'entends, entre guillemets, les commentaires qu'on peut me faire sur Facebook à propos de cette émission de radio. Oui. Toute simple, hein, finalement, on est entre nous. Oui, bien sûr. Pas. S'il y a du monde à l'écoute, tant mieux. S'il n'y a pas de monde, ben, on aura passé un bon moment ensemble. Ben, bien sûr. Moi, je, voilà, si il y a du monde à l'écoute, moi, c'est dommage que mon Facebook rame. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Je verrai ça. Et je suis sûr que j'aurais eu d'autres messages parce que la dernière fois, j'avais quand même pas mal de messages à te transmettre. Mais là, je ne sais pas. Il y a un problème. Et puis... C'est pas grave. Alors, comme il reste très peu de temps et que je voudrais absolument entendre encore notre ami Charlie dans ta dernière chanson. Pour se quitter, on va la passer tout à l'heure. Alors, on a encore le temps d'écouter une autre chanson d'un groupe que tu connais bien et peut-être tu nous en diras quelques petits mots après. Oui. On va écouter... Pardon ? Ce sont les Platters. Voilà, les Platters. Je vais donner le titre parce que pour t'éviter ce calvaire... Oh, t'es gentil, Pierre. Alors, c'est une chanson d'ailleurs qui est également sur mon album. Hein. Pas celle qu'on va entendre. Hein. Non, bien sûr. Voilà, et ça s'intitule « Smoke gets in your eyes ». Alors, c'est « Fumer aux yeux », c'est ça ? Voilà, « Fumer aux yeux » en français. En français. Ouais. On écoute les Platters. Allez, on écoute les Platters. They ask me how I knew my friend. night. All day, except someday you'll find all who love are blind. Oh, when you're on fire, you must be alive. Smoke gets in your eyes. Voilà, The Platters, Smoking voilà. Gets in Your Eyes. Oui, je vais vite faire un petit coucou oui. à Josiane Lepoivre, à Monique Garnier, mon amie Monique, et à Chantal Lecomte qui nous ont rejoints également. Mais donc, tu vois, c'est ouais. C'est sympa de nous écouter, d'être là, de mettre un petit commentaire ou de cliquer simplement sur « J'aime ». Ça prouve qu'elles sont là, quoi. Bien sûr, voilà. Bien sûr, oui. Et moi, je clique toujours sur « J'aime ». Pour prouver que je lis tous les commentaires, tous les jours, tout le temps. Bien sûr, ouais, voilà. Ouais, je vois. Merci à Josiane, à Chantal et à Monique de nous avoir rejoints. Voilà, non, c'est parfait. Alors, Pierre, on va écouter une chanson de Nicole Rieu. Ah, oui. Bon, on n'aura peut-être pas le temps de l'écouter entièrement. Et puis oui. Après, bien sûr, on arrivera bien tout doucement à la fin de cette émission. Oui. D'accord. En attendant le volume 4. En attendant le volume 4, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le pari, on fait le volume 4? Ah oui, bah bien sûr. Hein, on fait ça dans quelques semaines, il n'y a pas de problème. Oui, on va pas quand même bassiner tout le monde. Non, non. toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, je sais que ça leur fera plaisir de nous entendre. Oh, bah, je suis sûr, oui. Voilà, je ne veux pas être faussement modeste. On a passé un bon moment. Bien sûr. Donc, on écoute ma grande amie. Voilà. C'est comme c'est ma jeune sœur, Nicole. Je l'embrasse très fort. Si toutefois elle est à l'écoute. Ouais. Voilà. On l'écoute tout de suite. On l'écoute tout de suite. Et bonjour à toi, l'artiste. Bon. Qui change tout. Tu nous offres la musique comme un cadeau. Toi, le magicien des temps nouveaux. Et bonjour à toi, le peintre de la lumière qui connaît toutes les teintes. te plaît, prends tout ton temps. Mais ne me prends pas trop, s'il te plaît. Et bonjour. Voilà, et bonjour à toi, l'artiste de Nicole Rieu. Voilà, voilà Pierre. Et je pense qu'on va terminer cette émission en beauté. Voilà, tout à fait, bien sûr. Avec cette voix extraordinaire qui me touche beaucoup, celle de Charlie Baran. Et on fait comme si on était ensemble et on dit à tous nos amis, ben salut. Et on va saluer. Voilà. Salut à tous, partir, oui. Avant de partir, je peux pas ne pas saluer mon ami David Cassado, Alain Cassado qui n'est pas à l'écoute parce qu'il travaille. C'est un grand coiffeur niçois. Ah oui, d'accord. Et voilà, peut-être que Rachel, Lombardo, mes amis Rachel et Giovanni sont à l'écoute, je ne sais pas. Okay. Je les embrasse quand même. Et puis, je sais qu'on va se retrouver très bientôt. Bien sûr. Rachel. Alors Pierre, moi je voulais te remercier. Hein, bien sûr d'être présent encore aujourd'hui et pour ta fidélité sur l'émission et dans nos ondes, ça fait vraiment plaisir de partager avec toi cet hommage au crooner, c'est vraiment du plaisir à préparer ça ensemble et puis voilà, à faire écouter à nos auditeurs, nos auditrices, qu'on salue, on leur fait de gros bisous à toutes les personnes bien sûr qui nous ont mis des petits messages et qui étaient à l'écoute. Voilà, je vais citer tous ceux qui ont mis quelque chose sur mon mur, qui ont cliqué sur « J'aime ». Ça suffit pour savoir qu'ils étaient là. Bien sûr. Pierre, tu fais des gros bisous à Cathy. Oui, je ne manquerai pas, bien évidemment. Ah, puis là, peut-être que le prochain volume, elle sera avec nous, hein, comme la dernière fois, pour participer. Ouais, absolument. Je te laisse, Pierre, merci. Ben de rien, et puis on écoute. On salue tout le monde avec... On salue tout le monde, voilà. Cette voix époustouflante. À bientôt, bye bye. Maintenant, coupez tous les projets. Faites-moi une nuit étoilée. Juste un rayon sur mon piano, et sur le public, un bleu voilé. Juste vous et moi pour finir, comme nous étions pour commencer, et une petite musique pour vous dire... que le spectacle est terminé. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. Même si c'est vrai, je ne vous parle jamais. Je ne sais pas faire le premier pas, mais vous savez déjà tout ça. Je ne suis pas l'homme de mes chansons, voilà. Et puis je ne suis pas non plus ce que j'écris. Que cela vous déçoive ou non, tant pis. Le seul moment où tout est vrai, le seul moment où tout est dit, c'est quand le spectacle est fini. Salut. Salut, je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu. Une autre année, un autre endroit. Adieu jusqu'à la prochaine fois. Salut, quant à l'image que l'on donne de moi. Ma gueule, mari fidèle, etc. Ça doit sûrement vous amuser, vous savez mes fidélités. Ma seule histoire d'amour, c'est vous. Et même si l'on ne s'est pas toujours compris, que cela vous surprenne ou non, tant pis. Les grands moments que nous avons ne sont pas seulement les chansons, c'est quand le spectacle est fini. Salut, salut, je suis venu vous dire salut.